La contestation vibratoire, donc c'est la partie 2 de l'enregistrement que j'avais fait au mois de janvier de l'année 2024. Donc, j'avais déjà produit quelques jours un enregistrement qui avait attrait à la contestation vibratoire. Et suite à cet enregistrement, j'ai eu un nouvel échange avec Francis de Montréal. En fait, pour les gens, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose d'écouter la première partie qui concerne la contestation vibratoire parce que l'enregistrement présent est fait à la suite de ce dernier. Donc, c'est un complément. Et je voulais mentionner aussi par la même occasion qu'en lien avec les échanges que je fais avec Francis de Montréal. Parce qu'il y en a plusieurs là, au fil du temps qui ont donné place à des capsules audio. Eh bien, j'ai regroupé ces enregistrements audio par rapport à une liste de lectures que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube de David Lev. Donc, il y avait déjà des listes de lectures qui sont présentes, notamment par rapport aux enregistrements que j'avais fait dans le passé avec Marc de la Salle, auteur et conférencier. Les enregistrements que j'ai fait aussi avec Berthold, qui est un YouTuber extrêmement prolifique. D'ailleurs, il y a plusieurs enregistrements que j'ai en archive. Donc, c'est ça. Il y a cette liste de lecture qui s'est rajoutée aux autres par rapport aux échanges avec Francis. Donc, j'ai décidé en particulier de consacrer de l'énergie à d'ouvrir une correspondance avec lui dans l'optique, entre autres, d'approfondir ma compréhension de certains sujets. Donc, dans une optique d'intégration plus approfondie de l'instruction supramentale, et au fil des jours, j'ai eu des commentaires d'appréciation des gens en lien avec ces échanges que je partage à travers des enregistrements audio. Donc, des gens qui me semblent apprécier ce type de partage. Donc, c'est sûr que les gens, il faut que je sois conscient que, bon, avec lui, j'approfondis un échange, mais je ne peux pas le faire avec tout le monde, étant donné que mon temps est limité. Présentement, dans ma vie, j'ai à m'occuper de ma famille. J'ai une fille qui a un an et quelques jours, et en même temps, ben, je travaille. J'ai des tâches aussi ménagères à faire dans mon quotidien. Donc, ma vie est déjà remplie, mais étant donné que Francis, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'il étudie l'instruction supramentale qui a été véhiculée par Bernard de Montréal et moi aussi. Donc, il m'amène à aller plus loin dans certains sujets. Mais ce type de correspondance-là, je ne le ferai pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui me posent la question, comme ça s'est déjà fait avec le passé, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, c'est quoi le double? Donc, des questions de base en lien avec l'intégration de certains concepts. C'est correct que ces questions-là soient posées, mais j'ai pas l'intention d'échanger là, pendant plusieurs heures avec des gens. C'est correct qu'il y a des gens qui commencent, mais il y a aussi l'occasion pour ces gens-là. Donc, c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui ont commencé à écouter récemment mes enregistrements sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez vous référer des enregistrements que j'ai déjà fait dans le passé où ces concepts-là sont abordés. D'ailleurs, en bas de mes enregistrements, il y a un lien web pour avoir accès à un site WordPress où il y a un lexique qui explique la définition de certains mots, certains termes particuliers que j'aborde. Et c'est sûr que la personne qui commence à s'intéresser à ce que je véhicule sur le web peut toujours se référer aux nombreux enregistrements que j'ai faits et rendus gratuitement au public. D'ailleurs, il y en a au-dessus de 600. Là. Fait que vous pouvez commencer par écouter ça pendant un certain nombre de temps pour vous familiariser, entre autres, avec les études que j'ai faites, que ce soit en solo ou avec des invités en relation avec l'instruction supramentale dans l'optique d'une intégration vibratoire. Et par la suite, ben, les gens, quand ils sont familiers ou ça fait plusieurs années qu'ils sont en cheminement, ben là, ça devient intéressant à ce moment-là d'interagir pour aller plus loin dans la compréhension. Démarche que je fais présentement, donc d'une manière privilégiée, comme je le mentionnais avec Francis. Ceci dit, là, je vais vous partager certains éléments qu'ils m'ont amené suite à ma dernière capsule audio qui portait sur la contestation vibratoire en début de janvier 2024. Et par rapport aux éléments qui amènent, ben, je vais les commenter là, d'une manière audio. Naturellement, s'il m'écoute présentement, je le salue comme à l'habitude. Et je dois vous mentionner, comme dans le cadre du dernier enregistrement, que si vous entendez en arrière-plan du babillage, voire des plaires d'un enfant, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ma fille. Et ma compagne s'en occupe présentement. Étant donné que je ne suis pas un multimillionnaire excentrique qui a un studio privé insonorisé pour pouvoir faire mes enregistrements, eh bien, je suis en logement, c'est pour ça que vous pouvez l'entendre. La vie continue ici, c'est ça que c'est. Je vise à faire des enregistrements quand ma fille dort, même à ça, des fois, elle va se réveiller. C'est pas garanti. À tout moment, on peut l'entendre babiller, pleurer, et ça fait partie de la vie. Donc, si vous entendez ça en arrière-plan de l'enregistrement, ne vous affolez pas, restez calme. Parce que je fonctionne avec les moyens du bord. Peut-être un jour, si je deviens multimillionnaire, je me ferai construire un studio insonorisé. Et je ferai venir mes invités en jet privé pour faire des enregistrements. Mais présentement, c'est pas le cas. Donc, cette mise en contexte étant faite, là, c'est vrai, je vais y aller avec la nature de l'échange dans une optique d'approfondissement. Dans l'échange que j'ai eu récemment avec... Francis, en lien avec la contestation vibratoire, moi, ce que je disais, c'est que, à quelque part, c'est légitime de contester l'esprit parce que l'esprit ne connaît pas nécessairement tous nos besoins. Et c'est d'ailleurs la raison que je donnais du fait qu'il y a des gens qui vont se suicider. Donc, il y a des gens qui ont des besoins criants, qui sont insatisfaits, qui font en sorte que ces gens-là souffrent tellement qu'il y en a qui vont se tuer, là, carrément. Là. Et en lien avec ça, ce qu'il m'a écrit, il dit... C'est pas à cause que l'esprit ne nous connaît pas assez et qu'il faudrait lui dire des choses de nous. On n'a pas été abandonné ici. C'est parce qu'on a trop d'astral dans le canal. Donc, c'est vrai qu'en lien avec ce qu'il dit, la raison qui amène certaines personnes à se suicider, c'est lié à l'astralisation plutôt que de la méconnaissance de l'esprit des besoins de l'être humain auquel il se rattache. Donc, l'esprit ici, c'est la contrepartie cosmique qui se rattache à l'individu, qui va chercher à amener la personne à intégrer son énergie dans le cadre du processus de la fusion qui va générer ce qu'on appelle un être humain nouveau. Certains vont dire un être humain 2.0, un être humain amélioré ou un être humain complet, mais un être humain qui est doté à la fois d'une conscience planétaire, en lien avec le contexte dans lequel il s'inscrit sur Terre, mais aussi simultanément d'une conscience cosmique, ce que certains appellent une conscience universelle, qui lui donne une capacité de faire de la lecture vibratoire, de capter les énergies derrière les individus, derrière les événements, les situations et les mots qui sont prononcés. Donc ça peut être les mots prononcés dans le cadre d'un enregistrement, aussi dans son mental. Donc, de voir derrière la pensée, entre autres, il était question du sujet très lourd et délicat du suicide, c'est que, dans le fond, ma compréhension au fait du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sur Terre ou dans le cadre de processus d'intégration de conscience d'individus parce qu'il y a des gens qui se suicident, mais ce qu'il me disait, Francis, c'est que c'est pas l'esprit qui amène les gens à avoir des idées de mort qui les amènent au suicide, mais c'est plutôt le fait qu'ils sont astralisés, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'influence de forces astrales qui vont les amener dans cette voie. Donc, ce que certains appellent des forces anti-hommes, qui amènent les individus à commettre des actions qui vont à l'encontre de l'individu, à l'encontre de lui-même, finalement. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui reçoivent des pensées dans le mental, donc des idées suicidaires, mais qui ne vont pas nécessairement passer à l'action pour autant, parce que si la personne est consciente que la pensée vient d'ailleurs, donc ça c'est Une prémisse de base qui a été amenée par Bernard de Montréal, qui a initié le phénomène de l'instruction supramentale à l'échelle du globe, à l'effet que la pensée vient d'ailleurs. Donc, ça, c'est un principe primordial de son instruction. Ben, si la personne réalise que ce qui est dans le mental n'origine pas d'elle, ben, ça va être plus facile pour elle de prendre une distance par rapport à de la pensée à caractère astralisé, comme par exemple des idées suicidaires. Mais tant que cette compréhension n'est pas reconnue par la science officielle, et que dans le domaine de la science, le plus loin qu'on peut aller, c'est de dire que la pensée vient du cerveau par rapport à différentes zones et que, à quelque part, c'est la prise de conscience réflexive qui provient du néocortex qui subit des pensées qui seraient produites par le cerveau reptilien qui est lié aux instincts, comme par exemple l'instinct de survie de l'individu, l'instinct de reproduction, le désir sexuel, la libido, ou limbique associé aux émotions. Puis par la suite, le néocortex fait le traitement de l'information à travers le phénomène de la réflexion ou de la métacompréhension. Donc, autrement dit, l'ego qui va s'observer d'une manière sophistiquée en portant un regard réflectif sur son comportement, sur les pensées que dans le mental. Bon, la métacognition, métacompréhension de soi est en lien avec l'activité du néocortex. Donc, dans une perspective scientifique en relation avec la théorie du cerveau très unique en trois parties, donc reptilien, limbique et néocortex, on peut dire que l'être humain, en tant que conscience analytique associée au néocortex, va percevoir la pensée ou la traiter après coup, dans le sens que, il va avoir le cerveau reptilien qui traite des stimulus de l'environnement, qui va l'amener à réagir, ensuite le cerveau limbique, puis ensuite le néocortex. Et l'impression que l'individu va avoir que la pensée vient d'ailleurs, c'est tout simplement que la pensée réflexive qui porte un regard sur la pensée vient après coup d'avoir perçu la pensée par d'autres zones du cerveau. Donc le néocortex réalise la pensée qui émane du cerveau limbique et reptilien après coup, étant donné que c'est des zones du cerveau plus primaires, instinctives, qui fonctionnent plus rapidement que lui. Parce que la pensée analytique a toujours un temps de retard sur la pensée instinctive ou de l'ordre de l'automatisme. Donc, puis il observe, puis il constate par la suite. Donc, ça, c'est une dimension qu'on peut dire dans un sens que la pensée vient d'ailleurs. Ou ce qui était vu avec des électroencéphalogrammes par rapport au cerveau, c'est que le néocortex, la pensée réflexive, est en état d'activité après que la décision avait été prise dans le cerveau ou perçue en termes d'activité électrique. Donc, une zone qui achemine de l'information au cerveau, dont la conscience réflexive en prend conscience après coup. Et le différentiel entre la pensée de Bernard de Montréal et la pensée scientifique actuelle, c'est que la pensée scientifique qui s'appuie sur des observations biologiques veut dire ben, qu'une zone du cerveau, comme par exemple limbique ou reptilien, qui traite rapidement l'information. Et par la suite, le néocortex en prend conscience après coup. Puis, sur le plan de l'instruction supramentale, on va dire qu'on reçoit une pensée qui vient d'ailleurs. Puis, par la suite, la personne, lorsqu'elle va réfléchir, elle va analyser, bien, elle va traiter l'information après coup qui lui était acheminée spontanément. Mais ce qui permet de départager les deux, c'est les implications occultes. Dans le sens que par rapport au concept que la pensée vient d'ailleurs amener dans l'instruction supramentale, ben ça va expliquer par exemple les phénomènes qu'on va dire de télépathie. Deux personnes simultanément à deux endroits différents dans le monde reçoivent la même pensée, tandis que la pensée matérialiste ne permet pas d'expliquer ça. Même chose pour apporter un regard par rapport au phénomène de mort imminente ou des informations que la personne capte à distance, alors que son cerveau est sans activité, est pas explicable là, par rapport à l'activité biologique du cerveau en tant que génératrice d'informations. Donc, ça, c'est un élément à apporter par rapport à ça. Là, je m'égare un peu, mais je vais revenir en lien avec le sujet, qui était entre autres d'aborder la question du suicide, qui est extrêmement délicate. Lui, il dit ceci, il n'y a pas certains esprits qui manquent d'ajustement, David. Il y a certains ajusteurs qui manquent d'ajustement. Je suis d'accord. Il y a des ajusteurs de pensée qui devraient être ajustés. C'est à nous de le faire, en effet. Moi, ce que je dis, c'est que l'esprit ne souffre pas de la matière comme l'individu, d'où le fait qu'il doit prendre en considération le vécu subjectif de l'individu, car sinon, il demeure sur le plan théorique, il manque du principe de l'amour et il va suivre des formules et des protocoles. D'ailleurs, quelqu'un qui serait très méthodique, il va utiliser les mêmes paramètres dans l'optique d'avoir le même résultat. Mais dans les faits, c'est que si au niveau de l'esprit, il n'y a pas une prise en considération du vécu, du subjectif de l'individu qui va souffrir dans la matière, prenons par exemple d'une perte d'emploi, ben, il peut y avoir une programmation qui est mise où une personne va perdre un emploi, puis la personne va se réinventer. Puis si on fait tout simplement au niveau de l'esprit, de la conscience qui cherche à modeler les individus sur Terre, reproduire le même événement avec un autre individu, bien, une autre personne va perdre son emploi, puis la personne va se tuer. Tandis que dans un autre cas, il va se réinventer, puis avoir là une opportunité d'obtenir un meilleur emploi. Fait que, tu sais, c'est très différent. Donc, chaque individu est unique, d'où le fait que l'esprit doit prendre en considération la sensibilité de l'individu pour pas qu'il en vienne au suicide. Donc, je continue la lecture de l'échange que j'ai suite à ma dernière capsule avec lui. Il dit « L'être humain doit être capable un jour de dicter » parce que je faisais référence qu'à un moment donné, l'individu doit dicter les lois de la vie à l'esprit. Il ne doit pas tout simplement subir des lois de programmation associées au plan éthérique. Donc, l'individu conscient doit dicter les lois du réel en bénéficiant certes de l'éclairage de l'intelligence de l'esprit pour l'éclairer sur les principes qui orchestrent le réel, pour avoir une compréhension préatique, théorique, mais il doit aussi dicter les lois de la vie en relation de son vécu pratique et des compréhensions qui en résultent en vue d'éclairer à la fois le monde de la mort, mais également le monde des êtres sur le plan éthérique qui génèrent des programmations pour les ajuster, pour leur donner une rétroaction en relation avec le vécu d'individus sur Terre qui subissent leur programmation. Donc, autrement dit, qui bénéficient d'une compréhension expérientielle qu'ils n'ont pas, étant donné que les êtres sur le plan éthérique n'évoluent pas sur le plan physique comme l'individu qui est confronté aux limitations de la matière. Donc, c'est ça le point que je voulais faire. Là, il me dit l'être humain doit être capable un jour de dicter, mais on en revient à l'histoire de l'enfant. C'est ça qu'il me dit. Il faut que l'enfant soit devenu autonome, sinon, oublie ça, c'est de la complainte à répétition. Tant qu'il y a de l'ego en lui, l'homme ne peut que se plaindre. C'est subtil en crise, l'ego. On pense qu'on n'en a pas, mais on en a de caché. Et elle, ou peut-être qu'il veut dire il, sort avec le temps, il fait référence en l'ego. Il dit, on ne veut pas le voir, mais on a un gros ego, David. Même toi et moi, même après des années de travail sur soi. Bernard est en fusion et suivi au cul par cette force-là depuis des années. Et elle lui disait encore, on va le casser ton gros ego, alors qu'il était déjà acculé au mur depuis longtemps. Donc, c'est sûr que c'est intéressant ce qu'il amène. Il amène des nuances. Là. J'ai fait la lecture de son propos, puis là, je commande. C'est sûr que, quelque part, l'individu, un peu comme l'enfant auquel je faisais allusion dans l'autre enregistrement, il doit devenir mature et adulte. Et pour devenir mature, il doit intégrer l'intelligence de l'esprit. Donc, son mental doit être atterri sur le plan vibratoire pour être rehaussé, pour égaliser et horizontaliser l'état d'un mental pur en relation, sans interférence astrale avec le plan éthérique pour avoir une clarté de compréhension du réel. Et à ce moment-là, que le rapport soit horizontalisé entre lui et les forces pour que l'individu ne soit plus considéré comme un enfant en voie de développement ou un pays en voie d'évolution, mais comme étant un être qui ont intégré sa multidimensionnalité, donc un interlocuteur probable et ayant des propos pertinents avec l'occulte, qui a une certaine maturité qui lui permet d'échanger intelligemment avec l'esprit. Sinon, on va continuer la lecture de son propos. L'ego, on en a un. Qu'on le sache ou pas, on en a. Mais faut pas le réfléchir. Si on joue avec la forme, ça ne sert à rien. Il vaut mieux ne pas considérer un avoir si on l'utilise pour se donner raison. C'est bon comme concept l'ego, mais seulement si on est prêt à y faire face. Si c'est pour jouer avec, vaut mieux ne pas y porter attention. J'espère être clair là-dessus. Donc, on ne peut rien faire tant qu'on n'est pas dans l'esprit, David. Après, oui, dans l'esprit, là, enfin, tu peux regarder tes besoins, ton ego, tu peux aller en astral comme tu veux et où tu veux. Tu peux tout, tout faire. Il n'y a plus de danger puisque tu as la conscience avec toi et que tu vois clair rendu là. Mais avant, non. Il ne faut pas faire aucune étude de soi, ni de ses besoins, sinon on se fait astraliser ainsi. Ça équivaut à jouer le jeu de l'astral, de la réflexion. Je ne sais pas si tu es sur Netflix, mais j'ai écouté un film d'horreur hier qui démontre ça. Ça s'appelle « Talk to me ». À voir, c'est rigolo. C'est l'astral qui nous parle et nous autres, on aime ça. Alors, on répond et ça jusqu'à se rendre fou et se démolir. Ce que tu fais, David, c'est plus sophistiqué que ça, mais ça revient au même. C'est de la conversation avec l'astral parce que ça utilise la pensée humaine, la réflexion. C'est donc automatiquement le monde de la mort qui est utilisé. Le canal de la mort qui est utilisé puisque c'est le canal de la pensée et de la réflexion humaine. Et là, oublie ça, on se fait mordre par l'astral. Comme tu dis, on devient anxieux et ça, même pensant y échapper ainsi. C'est ça, c'est comme un drogué. Des philosophes ont fait cette erreur-là, déjà, n'est-ce pas, pris dans un labyrinthe. Donc, j'arrête là la lecture. Ben, c'est sûr qu'en lien avec ce qu'il dit, la réflexion ou la philosophie, c'est se faire astraliser dans un sens. La minute que réflexion se fait avoir, puis là, c'est sûr qu'en lien avec son propos, parce que le propos que j'ai avec lui dans le cadre de cette correspondance, c'est en lien, entre autres, avec un enregistrement où je parlais de l'importance de s'étudier, de s'observer. Puis c'est sûr qu'en effet, tant que l'individu se réfléchit, ça peut être dangereux de s'observer parce qu'à ce moment-là, l'astral entre dans l'équation et il va corrompre la nature de l'observation. Mais là, c'est sûr que c'est un cercle un petit peu vicieux. Là, vous pouvez entendre ma fille en arrière-plan. Parce que tant que l'individu est immature, il n'a pas accès à une conscience vibratoire qui lui permet de comprendre les choses avec clarté. Tant qu'il n'a pas accès à une conscience vibratoire, ben, il peut utiliser l'ego pour réfléchir, mais la réflexion va être en relation avec le fait qu'il est sous influence astrale, c'est-à-dire sous l'influence de forces qui ne lui permettent pas de s'actualiser à son plein potentiel, car ses forces sont limitées. Donc, leur statut vibratoire est moins élevé que le plan éthérique. Pour que l'ego s'actualise totalement, il faut qu'il intègre la conscience de l'esprit qui s'y rattache, donc qui en vienne à un taux vibratoire horizontalisé avec lui, qui va lui donner une compréhension plus vaste et multidimensionnelle du réel. Mais pour en venir là, il faut qu'il contienne l'énergie, puis pour arriver à ce point-là, il faut qu'il soit capable de contenir des chocs énergétiques qui lui permettent d'intégrer cette énergie dans le cadre de sa réalité intra-psychique. Bref, c'est en lien avec son propos que les limites de la réflexion. Je vais continuer à lire. C'est pas l'esprit qui va nous donner quoi que ce soit. C'est à nous à tout aller chercher. C'est à nous de faire toutes les démarches. Ça donne rien de leur demander des affaires à eux en haut. C'est à nous ici en bas à agir pour sa vie à soi. Et là, il dira, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Mais pas avant que tu reprennes le contrôle par toi-même et que tu te sois détourné d'eux en haut. Mais si eux en haut, il fait référence sans doute aux forces du plan éthérique. Là, j'arrête un peu la lecture pour commenter que c'est subtil dans le sens qu'on le garde ignorant. Puis finalement, il faut que l'individu se sorte lui-même de l'ignorance parce que tant qu'il attend du ciel des réponses ou qu'il attend d'avoir l'illumination d'une manière passive ou qu'il est à la remorque des plans, d'attendre de l'extérieur de lui une forme de libération, il risque d'attendre longtemps et dans la dépendance. Donc, ça l'a dit de se donner ce qu'il a de besoin sans délai, sans attendre en lien avec des événements prophétiques qui sont annoncés pour les prochaines années ou les prochaines décennies. Donc, faut pas attendre puis mettre nos espoirs dans la fin de cycle pour avoir accès à des choses. Il faut se donner accès à ce qu'on peut avoir accès ici maintenant compte tenu de nos habiletés et capacités. Ça, c'est mon discours. Donc, je vais continuer la lecture. « pour toi-même, ici-bas, d'abord, et ce, par des actions concrètes. Bon, c'est sûr que là, c'est en lien qu'il faut se donner quoi que ce soit pour sa vie à soi. Exemple, se chercher un nouvel emploi, retourner aux études, faire des efforts pour apprendre un nouveau métier. On a tellement confondu les deux mondes et attendu des affaires venant d'eux qu'on est perdu. Ça fait pitié, dans le fond, un être spirituel. Et tu dis la bourse, et je me tiens avec des gens purement matérialistes depuis un bout de temps. Et je peux te dire qu'ils me font moins pitié que nous qui sommes des êtres spirituels. Ils souffrent moins. Ils sont moins perdus, moins faibles de volonté. Ils s'activent pour trouver des solutions au lieu d'attendre, de demander, de croire toutes sortes d'affaires dans leur tête. Eux, c'est le concret qui les intéresse. Et ils ont raison. Bernard disait, je suis beaucoup plus matérialiste que vous autres. C'est ça qu'il voulait dire. Il était revenu à l'essentiel, aux besoins matériaux, mais l'esprit ne l'a pas laissé faire ça avant des années de travail sur lui. 1969, la fusion plus 10 ans sans travail, donc dès 1979, il a commencé à parler. C'est ça aussi qui m'arrive. Je n'ai pas pu prendre 20 ans, étudier la bourse et m'occuper vraiment de moi. Je ne voulais pas de moi en vue, encore très, très peu. Je n'ai pas été capable de le faire avant. L'esprit voulait que je règle des choses avant, et quand les choses-là sont réglées, là, les portes s'ouvrent. Et là, tu peux aller. Mais j'insiste, il faut les ouvrir nous-mêmes, les crises de portes. En fait, en même temps, elles s'ouvrent d'en haut. Et en même temps, on les ouvre d'en bas. Donc, j'arrête ici la lecture. Donc, autrement dit, il faut agir pour soi. C'est comme la personne a besoin d'un travail, qu'elle fasse de la recherche pour se trouver du travail. Il faut que la personne se mette en action par elle-même sans attendre, après les plans de la lumière, qu'il y ait un miracle qui se produise ou qui arrange toutes les choses. Là, il parlait de la bourse. C'est sûr que les gens qui sont purement, qui sont pas à la remorque d'entités occultes pour répondre à leurs besoins, puis sont pas des adeptes de la pensée magique, de la haute spiritualité, vont, dans le fond, vivre en fonction d'eux. Quelqu'un qui est très terre-à-terre, qui étudie la bourse, bon, ben, il regarde l'évolution d'un titre boursier dans le temps, la conjoncture économique, l'évolution du taux d'intérêt, donc différentes variables, puis il agit par lui-même. Donc, il n'est pas nécessairement dans un rapport de pacte avec l'occulte en disant, ben là, si je fais de l'argent sur un placement, je vais aller à la messe le prochain dimanche pour remercier le bon Dieu d'avoir fait un gain en capital intéressant. Non, il n'y a pas cette attitude-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très terre-à-terre, puis c'est sûr que ce qui peut être particulier, c'est que d'un côté, avant que la personne vive un événement en choc, qu'il met en contact avec sa contrepartie cosmique, donc l'esprit de la personne peut être très matérialiste, elle ne se soucie pas des questions qui se rapportent à son rapport à l'invisible, à l'occulte, la personne vit un certain phénomène qui crée une fascination pour l'occulte, puis à un moment donné, bien, elle réalise des limites de par rapport à ça, puis ça se peut que finalement, elle se mette à vivre sa vie comme si l'esprit n'existait pas pour ne pas être à sa remorque, sans pour autant nier sa présence et la réalité du principe que la pensée vient d'ailleurs. Tout ça pour dire que, par exemple, quelqu'un qui est inconscient, il va prendre des assurances sur son auto parce qu'au cas où qu'il arrive des situations hasardeuse qui fait en sorte qu'un accident d'automobile, la personne devient spirituelle, elle réalise qu'il y a des lois derrière les événements, elle réalise que dans un sens absolu, le hasard n'existe pas parce que tout est interrelié, donc il y a des interactions, des intrications entre différents individus, différents événements. La personne peut devenir superstitieuse puis croire que si elle va à messe tous les dimanches, prier le bon Dieu va l'épargner, puis elle n'aura pas d'accident d'automobile, donc elle arrête de cotiser à son assurance automobile, donc elle est un peu naïve. Puis finalement, un accident d'automobile, pareil, elle avait un état de colère, un état qui l'amène à modifier son rapport au bon Dieu ou à l'esprit ou aux forces occultes, ou ce que certains vont appeler son rapport avec son ange gardien personnel, peu importe le terme qu'on donne à ses réalités ou aux êtres qui y résident. Donc, elle modifie son rapport, puis finalement, ça se peut que par la suite, elle se remette de nouveau à cotiser à une assurance automobile en réalisant qu'il peut exister des concours d'événements, de circonstances, qu'elle peut vivre des phénomènes psychiques sans nier pour autant cette réalité-là, mais de réaliser qu'elle ne peut pas croire que les êtres qui sont dans l'occulte vont nécessairement faire en sorte qu'elle n'aura plus jamais d'accident d'automobile de reste de sa vie. Donc, elle a perdu cette naïveté-là, surtout s'il y avait un accident d'automobile. Ben, dans mon cas, dans le passé, j'avais vécu un accident d'automobile, ce qui fait en sorte que même avant que j'aie l'accident, j'avais comme pour principe que c'était pertinent de continuer de cotiser une assurance automobile parce que l'individu contrôle pas tous les paramètres de sa vie. Si on s'appuie sur une compréhension non pas spirituelle mais supramentale de rapport à l'individu, à l'événement, en partant du principe que l'individu n'a pas de libre arbitre, c'est encore pire. Parce que quand la personne est dans la spiritualité, puis est fascinée par l'occulte, puis est dans la croyance qu'elle peut agir dessus, elle peut dire, ben, je vais prier le bon Dieu, puis j'aurai plus d'accident d'automobile. Elle va se croire en contrôle. Et finalement, la personne qui réalise qu'elle n'a pas de libre arbitre, puis des événements qu'elle ne contrôle pas, ben, est obligée de changer sa perspective. Ce qui fait en sorte qu'en ayant l'humilité de réaliser que, bon, j'ai eu un accident d'automobile il y a quelques années, donc je ne suis pas exempt de ça, mais je continue à cotiser un accident d'automobile. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, je vais continuer la lecture. Fait que c'est sûr qu'il disait aussi, avant de continuer, c'est vrai, il parlait des portes d'en haut et les portes d'en bas. T'sais, il disait, c'est intéressant que quelque part, faut nous autres ouvrir les portes en bas, mais en même temps, c'est eux autres, c'est-à-dire les êtres sur le plan de la lumière qui ouvrent les portes d'en haut. Là, on peut parler de mise en vibration, descente d'énergie. Comme il n'y a pas de libre arbitre, donc ça ouvre les portes quand on est mis en vibration pour cela. Donc, autrement dit, quand la personne fait un mouvement significatif dans sa vie, est mis en vibration par rapport à cela, en lien avec les êtres sur le plan éthérique. Donc, tout est organisé, tout est orchestré. Donc, pour que l'individu s'ouvre, il faut que ça ouvre en lui. Mais s'il n'y a pas de libre arbitre, ce n'est pas nécessairement lui qui va initier le mouvement d'ouverture. Et le mouvement de lecture, d'ouverture se fait en fonction de l'actualisation de lois de circulation d'énergie dans l'optique d'optimisation du potentiel d'un individu, du rehaussement de son taux vibratoire en relation avec ça. Donc, il ne peut pas descendre plus d'énergie à un individu qui est capable d'en contenir. Puis, s'il y a plus d'énergie qui descend ou si la personne a trop de chocs qui amènent des descentes d'énergie qui sont importantes, puis le dosage n'est pas adéquat, ben, l'individu peut sombrer dans la dépression puis virer suicidaire. Donc, le dosage d'intégration est une variable extrêmement délicate. Parce que si il n'y a pas de descente d'énergie, l'individu évolue pas, son taux vibratoire se rehausse pas, il n'y a pas d'horizontalisation de son rapport entre lui et les plans. Mais s'il y a trop de descente d'énergie en peu de temps, ben l'individu peut souffrir tellement que, dans certains cas, il peut en venir au suicide. Puis, en plus du dosage qui est amené par rapport au niveau du plan éthérique, il y a des oppositions énergétique que l'individu peut vivre dans son rapport avec l'astralité. Parce que les entités astrales peuvent amener des gens à se suicider, tandis que la finalité de l'individu par rapport à l'esprit, c'est pas qu'il se suicide, c'est qu'il devienne conscient, qu'il devienne un être de plus en plus multidimensionnel, ce qui est extrêmement différent, là. Donc, je vais poursuivre la lecture de son message, puis je vais commenter. Il dit l'importance de la vibration de cette volonté-là qui compte. Là, enfin, avec elle, ça peut se faire. Là, enfin, le sentiment de richesse, il est là. Quand tu veux, tu peux, là, oui. Mais avant, non. Là, il marque complétitude, abondance, plein. Là, les choses sont unifiées. Là, ce qui est en haut est en bas. Mais fais attention de ne pas croire à ça et de vouloir que ce soit là avant que ça puisse être là. Tu peux te dire que ce qui est en haut est en bas et y croire, mais ça change rien. Ce n'est pas encore la force de le supporter et de le tenir dans la matière. On est encore dans la philosophie de conscience et non dans le réel de la chose vécue. On ne devient pas riche avec de l'argent. On devient riche en étant complet en soi. Là, ici, il amène un élément intéressant. Donc, on devient riche en soi, c'est-à-dire la fusion, la conscience intégrale, la vibration, plutôt que dans la forme, parce que l'argent, on peut chercher la richesse au niveau financier. Prenons par exemple quelqu'un qui fait des investissements boursiers, ce qu'il va vouloir, c'est quoi? Ben, c'est que la valeur de ses placements augmente avec le temps, d'une croissance qui soit constante. Mais ça, c'est au niveau de la forme qui peut donner une certaine forme de support à l'ego par rapport à son identité dans la forme. Mais au niveau vibratoire, quelqu'un peut être multimillionnaire, mais être carencé sur le plan de son développement individué parce que l'individu n'a pas développé pour autant une conscience multidimensionnelle. D'ailleurs, quelqu'un peut être multimillionnaire puis pas être plus conscient pour autant sur le plan vibratoire. Ce qui fait que par la suite, on entend parler des gens qui sont très riches, qui sont impliqués dans certains scandales, que ce soit au niveau de la pédophilie, ensuite de la corruption, de la fraude, et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, l'abondance de ressources n'est pas nécessairement en relation avec une conscience intégrale pour l'individu qui a accès. Là, il m'écrit ceci. Par la suite, il dit, l'argent n'y change rien. L'argent que nous rend pas riches, elle peut même nous éloigner de la richesse. C'est sûr que c'est particulier quand on regarde les choses ainsi, hein. Si tu te sens un trou, un vide en toi, tu as beau le remplir d'argent et de possessions, tu ne le pourras jamais, ce trou. Ce trou, c'est une connexion à soi en haut qui manque et c'est pour ça que l'initiation est nécessaire avant de se vivre plein et à cesser de compenser sa vie. Avant de pouvoir quoi que ce soit, c'est long en crise, mais ça doit se faire. Faut que l'initiation nous apporte quelque chose. Faut que ça paye à un moment donné tout ce que travaille, n'est-ce pas, David? Ça paye quand on finit par aller au bout de son initiation et brûler les épreuves jusqu'au bout. On sort des flammes. J'arrête ici la lecture. Ben, c'est sûr que le but de l'initiation, c'est d'être complet. Donc ici, on fait référence à l'initiation qui est générée par l'esprit qui initie l'individu à une conscience nouvelle. Donc, il l'amène à être quelque chose de différent qu'il l'était au préalable avant son contact avec lui. C'est sûr que quelqu'un peut avoir un trou financier qui est comblé, mais il peut être confronté par la suite à un trou affectif. Et l'individu qui ne change pas un second niveau, ben, il va se rendre compte qu'on peut le remplir de forme par rapport à certaines choses, mais ça ne te comblera jamais totalement sur le plan énergétique. Il sera pas complet. Donc, on peut entendre ma fille qui crie en arrière-plan, mais c'est normal. La situation est sous contrôle. Elle s'apprête à manger dans les prochaines minutes parce que je fais l'enregistrement sur l'heure du souper. Je continue la lecture parce que j'avais abordé avec lui la notion de problème. Il m'a écrit ceci. Ça n'existe pas les problèmes, David. Bernard était en train de mourir, ne respirait plus, et lui en haut lui disait tout va bien, prends des petites puffs. Là, ici, il faut faire référence à prendre des petites respirations. Donc, c'est des gens qui nous écoutent en Europe et qui sont peut-être pas familiarisés avec le mot puff. En effet, comme tu dis, il y a quelque chose de concret qui se passe, mais ça ne change rien. C'est pas un problème pour autant. On dit que c'est un problème parce que, étant que l'on a peur, on ne contrôle pas, on n'aime pas ça, et crois-moi, je déteste ça aussi. C'est sûr que la notion de problème peut être sujet à discussion. C'est sûr que le problème existe tant qu'on n'accepte pas que des aspects de notre vie qu'on ne contrôle pas à un certain niveau. C'est sûr que tant qu'on n'accepte pas qu'on ne contrôle pas sa vie, donc soit de ne pas avoir de libre arbitre, ça peut nous amener à vivre des crises existentielles, des remises en question, voire des états de déprime, de dépression. Et dans certains cas, il y a même des gens qui, en lien avec ça, ont des idées suicidaires sous l'impulsion de l'astral qui va amener la personne à réfléchir à sa programmation puis vouloir y résister. L'astral va aussi amener à anticiper le pire par rapport à une programmation. Donc, les choses se dégradent d'une manière incroyable dans les prochaines années. C'est ce qui va nourrir beaucoup de personnes dans l'activité médiatique actuelle. D'ailleurs, si quelqu'un veut avoir des codes sur YouTube, il n'a à parler que d'événements à caractère apocalyptique, donc des événements horribles, terrifiants qui sont censés se produire pour les prochaines années d'une manière prophétique. Et cette personne-là va aller sans doute aller chercher plus de cotes d'écoute que de parler de la pluie et du beau temps. Donc, ça va alimenter l'astral. Et l'astral va se nourrir de la personne qui vibre à la peur par rapport à des événements à venir. Et c'est sûr que l'individu qui réalise qu'il ne contrôle pas sa vie, puis on lui cherche à y faire peur par rapport à son avenir ou le devenir de l'humanité, où on parle de la possibilité qu'il y ait une troisième guerre mondiale, ensuite des crises climatiques, une destruction de la classe moyenne, du pouvoir d'achat, ainsi de suite. Tous ces éléments-là ensemble qu'on peut nous faire miroiter. Et le fait que l'individu ne contrôle pas toute sa vie, ça peut amener à vivre des états d'impuissance, de résistance au réel. Et ça peut être vu par nous autres comme étant des problèmes. Par contre, au niveau de l'esprit, dans un certain sens, il n'y a pas de problème. Puis tout finit par s'arranger. C'est sûr, si la personne est atteinte d'un cancer en stade terminal et que ça lui dit intérieurement que tout est correct, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne va mourir puis le cancer va disparaître par la même occasion étant donné qu'il n'y aura plus d'organisme vivant pour l'alimenter. Donc, dans un sens, tout finit par se régler. Donc, c'est sûr que la personne qui meurt d'un cancer, ben, à un moment donné, le cancer, il n'y en a plus. La forme est finie. Je veux dire, les cellules cancérigènes ne peuvent plus se nourrir de l'organisme en le parasitant. Donc, elles disparaissent. Dans un sens, le cancer qui peut être vu par un ego comme étant un problème prend fin. Donc, dans un sens, tout finit par s'arranger. Donc, c'est sûr, si la civilisation humaine n'est pas viable, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va y avoir l'effondrement de la civilisation et à ce moment-là, les éléments dissonants ou la pollution qu'amenaient les êtres humains va prendre fin. Et après ça, un autre cycle de vie va apparaître parce que rien ne se crée, rien ne se change, tout se transforme. Donc la matière, les éléments physiques qui étaient utilisés par l'être humain pour ériger ces civilisations vont tomber en ruine et la nature va reprendre ses droits. Sans la dissonance de l'être humain avec ses activités nuisible de pollution sur le plan physique qui est en relation avec la pollution qu'il connaît sur le plan psychologique. Donc, la pollution qu'on voit sur le plan physique n'est qu'une situation symptomatique de la pollution psychique que l'être humain subit à son insu, car inconscient de certaines réalités occultes qu'il manipule malgré lui. Mais tant que l'être humain n'est pas conscient de ça, ben, il consomme des produits qui créent de la pollution, puis ça l'amène à polluer son environnement puis en subir le contre-coup dans le sens que ça peut amener à générer des cancers auxquels il va être atteint davantage et par la suite créer d'autres problèmes de civilisation dans le sens que la pollution va amener par exemple à réduire le taux de fertilité des gens étant donné que ça va amener à des perturbations du système endocrinien entre autres. En lien avec certains produits chimiques auxquels des gens sont exposés en grande quantité. Mais là, je vais retourner à la lecture parce que j'ai tendance, encore une fois, à m'éparpiller. Ce qui me dit Francis de Montréal, « On sent qu'ils, les forces invisibles, tiennent nos vies par le bout de notre nez. On se sent impuissants. C'est ça qu'ils veulent pour casser notre ego, David. C'est pas un problème, c'est une solution, ton problème. » Il dit de pipi, « Lol. » Tu vois, avec eux, c'est toujours à l'envers. Ben, c'est-à-dire que j'avais fait référence à un problème où mon urètre avait bouché. Fait sans doute allusion avec ça d'une manière humoristique. Mais pour nous, ce qui est des problèmes au niveau de l'esprit, ça n'en est pas. Dans le sens que nous autres, par exemple, en tant qu'égo, je voudrais avoir une fortune pour mener tous les projets que je désire. Ensuite, avoir une santé qui est parfaite. Mais si je ne suis pas ajusté et j'ai tout ça, je ne me corrigerai pas et je n'évoluerai pas en conscience. C'est ça la grande affaire. Donc, pour qu'on change ou on évolue, il faut être confronté à des limites, que ce soit individuel ou collectif. Collectivement, on le voit entre autres à travers un pays du Moyen-Orient que j'avais vu dans un bulletin de nouvelles qui avait donné le droit, il y a quelques années à peine, aux femmes de conduire. Pourquoi? Parce que si le pays veut accueillir davantage des touristes pour continuer à croître sur le plan financier avec la chute du pétrole, si le pays veut devenir une destination touristique importante, ben ça va prendre des rapports plus égalisés entre les hommes et les femmes, là. Donc, tu sais, il y a des destinations, prenons par exemple l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes. C'est sûr que c'est des pays qui vivent du pétrole et qui veulent se développer massivement sur le plan touristique et se réinventer, parce qu'à un moment donné, l'utilisation du pétrole a ses limites, surtout si des gens des pays occidentaux utilisent de plus en plus ou veulent utiliser de plus en plus l'auto électrique dans les prochaines années. Puis utilisent des formes d'énergie alternative, comme par exemple l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Bon, ben c'est sûr que si, par exemple, Dubaï veut être encore plus populaire à l'international pour devenir une destination touristique incontournable, ben à ce moment-là, les gens à Dubaï, ce qu'ils ont intérêt, non pas par un souci de respect et d'amour de la femme, mais tout simplement pour des raisons économiques de survie, de continuer à avoir un développement économique, ben de faire la promotion de rapports plus égalisés entre les hommes ou les femmes, où les femmes ont davantage de droits en société. Mais est-ce qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça? C'est pas nécessairement que du jour au lendemain, ces gens-là se sont mis à intégrer un principe d'amour envers la femme qui va amener ça. C'est tout simplement que sous la pression des pays occidentaux et la pression internationale et même sa population à l'interne, ben ce pays-là est confronté aux limites de son développement en lien avec l'utilisation du pétrole. Ce qui va faire en sorte que il y a certains pays qui étaient très inégalitaires envers les femmes. Ça se peut qu'ils changent dans les prochaines années, mais pour des raisons purement de stratégie de développement économique, puis attirer, par exemple, bon, si on prend Dubaï, c'est une destination de touristes pour l'ultra-luxueux. Donc, ces gens-là, s'ils veulent attirer des gens un peu partout à l'international qui sont très riches, et en réalisant qu'il y a à peu près la moitié de l'humanité sont des femmes, bon, ben s'ils veulent bénéficier de ces gens-là qui vont aller dépenser de l'argent pour augmenter le PIB du pays, le produit intérieur brut, ben ça prend comportements qui vont être plus respectueux envers les femmes pour les attirer. Surtout si les hommes vont se déplacer dans ces pays-là avec leurs conjointes, ils vont vouloir que leurs conjointes soient traitées avec respect, ainsi de suite. Donc, il y a une chaîne qui crée des changements. Donc, à ce moment-là, ça pour dire quoi? C'est que le problème, prenons par exemple la limite du pétrole pour un développement économique d'un pays, peut amener le pays à changer. Mais s'il n'y aurait pas une limite par rapport à ça, les gens du pays ne changeraient pas. C'est la même chose pour un égo sur le plan individuel. Là, je l'ai abordé la question sur le plan collectif. Mais sans un problème de santé, l'égo ne devient pas différent dans son rapport à sa conscience. Et là, on est modelé malgré nous par rapport au fait qu'on n'a pas de libre arbitre pour évoluer malgré nous. Fait que dans un sens, les gens sont confrontés à intégrer des charges plus grandes d'énergie. Dans certains cas, ils vont résister farouchement sous l'impulsion de l'astral qui va faire beaucoup de bruit pour empêcher ça dans le mental. Dans le fond, les couper de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'astral ne veut pas perdre son emprise au sein d'individus, parce que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'une colonisation psychique s'opère du plan éthérique pour se substituer à l'astral. Donc, c'est comme un nouveau royaume qui veut en remplacer un ancien. Donc, à ce moment-là, l'ancien roi veut garder le contrôle sur les sujets qu'il a depuis des siècles, voire des millénaires. Et à ce moment-là, il voudra pas laisser naturellement ses sujets à une autre force. D'où la guerre occulte qui s'opère présentement, qui pourrait être le sujet. Là, ben, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans d'autres enregistrements. Là, c'est ça, c'est un sujet intéressant à détailler. Mais il nous amène ici au paradoxe. Donc, il dit ceci, Francis, ce qui devrait être un problème pour nous est une solution pour eux. Il voit le monde à l'envers de nous. Donc, l'ego qui se réfléchit sous l'influence astrale, c'est un problème. Puis c'est un problème pour l'astral que l'ego intègre l'énergie de l'esprit parce qu'il perd son emprise. Mais au niveau de l'esprit, le fait que l'ego est mis en échec, puis est obligé de se désaffilier psychiquement à l'astral pour devenir quelque chose d'autre, un autre être, ben, c'est une solution parce que ça permet à l'esprit d'avoir une relation de plus en plus unifiée avec l'ego pour ajuster la réalité sur le plan physique en lien avec les lois de la vie, pour sortir de l'influence des lois de la mort qui amènent les problèmes de pollution, de guerre et ainsi de suite, qui sont les mots associés au comportement des êtres astraux qui sont en voie d'évolution, qui vont exercer des pressions et des tensions au sein d'individus pour les garder sur leur joug naturellement. Là. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ce qui est abordé aujourd'hui, entre autres par rapport à la notion de problème, c'est que la notion de problème et de solution sont en relation avec une vision polarisée et subjective, comme celle du bien et du mal. Donc, pour eux, les plans de la lumière, il n'y a pas de problème ou de pollution, ils sont au-delà de la polarité, ces êtres-là, parce qu'ils constituent les formes qui sont des éléments polarisés et polarisables. Donc, les êtres de la lumière, les êtres sur le plan éthérique, pour eux, il n'y a que ce qui permet de faire évoluer ou circuler l'énergie. Donc, ils ont une vision impersonnelle de la réalité, à la différence de nous qui vont voir un événement comme étant un problème ou au contraire une opportunité si on y réfléchit. Qui est très différent. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Ça fait presque une heure que je parle. Donc, encore une fois, je remercie chaleureusement Francis pour cet échange. Et je remercie aussi toutes les gens qui m'écoutent au fil du temps. Et c'est sûr que le but, entre autres, de ces échanges avec Francis que je partage depuis les dernières semaines, ben, c'est que lui m'amène sur certains éléments. Là, je renchéris. Donc, ça crée une dynamique d'une forme de dialogue dans une perspective d'intégration des lois de la conscience. Chose qui n'est pas nécessairement évidente. J'en parle dans le cadre de capsules l'autre jour parce que c'est le type de sujet qu'on n'abordera pas dans les médias de masse, ni non plus dans l'éducation qu'on peut recevoir sur le plan scolaire, ni non plus dans l'éducation qui peut être véhiculée par le milieu universitaire qui va présenter une vision du monde souvent, qui est matérialiste. Il y a des gens présentement qui cherchent à faire changer les choses. Prenons par exemple Mario Beauregard, qui fait présentement un travail intéressant, qui mérite d'être souligné. Vous pouvez le retrouver sur YouTube dans le cadre de nombreuses vidéos pour amener un changement de paradigme et amener l'intégration d'une vision post-matérialiste au sein de l'humanité. Mais ça va prendre du temps, un peu comme la vision vibratoire, d'amener ça à la population. D'ailleurs, les gens de la population en général n'ont pas nécessairement la sensibilité pour l'intégrer, donc ça va être long. Ça va être très, très long. Mais ça, c'est au niveau collectif. Mais sur le plan individuel, ça peut aller très vite en fonction de ce que la personne a à vivre, de l'intégration qu'elle peut connaître dans sa vie et des potentialités qui se rapportent à elle. Donc, sur ces considérations, je vous dis à bientôt. Au revoir.